Moi je ne la connais pas. Toi est-ce que tu la connais? Non, tu ne la connais pas. Nous ne la connaîtrons jamais.